Pardon, monsieur, vous avez l'heure, s'il vous plaît? Oui, il est 9h moins le quart. Oula, je suis en retard. Merci, monsieur. Plus vite, plus vite.